sur toi, ils se sont acharnés. Y aura sûrement des nuits sans pleurs, darling, des moments même de douceur pour toi, darling. Des endroits pour te reconstruire, darling. Quelquefois même des sourires pour toi, darling. Darling, heureusement y avait tes rêves. Toi, c'est un peu marche ou crève, rebelle. Tu refusais la violence, une envie de partir immense. Pourquoi t'es monté dans ce camion? Y aura sûrement des nuits sans pleurs, darling, des moments même de douceur pour toi, darling. Des endroits pour te reconstruire, darling, quelquefois même. Darling, petit bout de femme, courage. Dans ta tête, c'est un vrai carnage, darling. C'était pas toi la méchante.